caisse dans une grande surface, dans l'attente de poser ses achats. La tipa que Bordas constate des traces. Sur le tapis, il y a de l'eau, je ne sais quoi. Le client qui les précède, en mode super-héros, demande au caissier à bras genoux de pouvoir éponger les traces d'eau. Le blanc embauché chez Unico. Et le blanc embauché chez Unico. Le blanc embauché chez Unico. Et le blanc embauché chez Unico. Ce fut là sa sortie spontanée. Une phrase qui a bien voyagé à travers le temps et à travers l'espace. Et Bordas en a gardé la trace. Elle était cocasse comme un poil, sûrement accrochée à une étoile. Et cet homme l'a décrochée. Et Bordas voudrait l'en remercier. Merci bonhomme d'avoir été embauché chez Unico pour quelques instants. Bref et fugace, le temps pour effacer les traces. Les traces d'eau. L'eau de pluie, l'eau de là-haut. À la caisse d'une grande surface, dans l'attente de poser ses achats, la tipa que Bordas constate des traces. Sur le tapis, il y a de l'eau ou je ne sais quoi. Le client qui les précède, en mode super-héros, demande au caissier à un bras genou de pouvoir éponger les traces d'eau. Le blanc embauché chez Unico. Le blanc embauché chez Unico. Alors que ça se dit plus, maintenant c'est super U. Ce fut là sa sortie spontanée, une phrase qui a bien voyagé à travers le temps et à travers l'espace. Et Bordas en a gardé la trace. Elle était cocasse comme un poil, sûrement accrochée à une étoile. Et cet homme l'a décrochée. Et Bordas voudrait l'en remercier. Merci bonhomme. T'es un as comme Bordas. Bordas 2048 dans ta face.